Comme nous étions de grands fous d'être au champ pour l'amour de vous. Si de chaque femme volage la mentale est plantée des choux, par la ventre bille je gage que nous serions condamnés tous à travailler au jardinage. Dans quelques instants, nous vous présenterons la surprise de l'amour de Marivaux. La comtesse. Lélio. Le baron. Colombine. Arlequin. Jacqueline. Pierre. Le club d'essai de la radiodiffusion française vous prie d'écouter maintenant La surprise de l'amour, une comédie de Marivaux, dans une présentation radiophonique de Jean Ablis et Jacques Florent. La distribution en sera la suivante: la comtesse Yvonne Godot de la Comédie française, Lélio Jean de Sailly, le baron Jean Marchat, Colombine Hélène Bélanger de la Comédie française, Arlequin Jacques-Henri Duval, Jacqueline Jacqueline Dufrane, Pierre René Clermont. Musique originale de Jean Rivier. Orchestre sous la direction de François Yaroshi, artiste du chant Claudine Verneuil et André Basquin. Cette émission a été réalisée avec la collaboration technique de Raymond Verchère et Paul Jacobi. Assistante de production Olga Lancement. La mise en scène radiophonique est de Maurice Cazeneuve. C'est une production de Paul-Louis Mignon. Mais qu'est-ce qu'il te faut donc? Tu me veux pour ta femme? Eh bien, est-ce que j'en le culasse là? Bon, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que toutes les filles n'aimeront pas à devenir la femme d'un homme? Oh, très dame! C'est donc un osio bien rare qu'un homme pour en être si envieuse. Eh là là là, je parle en discourant. Savons bien que l'oiseau n'est pas rare. Écoute, n'en je pas d'autre amoureux que toi? Mais je pense que oui. Eh bien, Victor, je te baille la préférence. Qu'as-tu à dire à ça? C'est que tu m'aimes mieux qu'eux, tant seulement. Mais si je te prenais pas, moi, ça te fâcherait-il? Oh, dame, t'en veux trop savoir. Et Morgaine, je veux de l'amitié pour la personne de moi tout seul. Va, Pierre, je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Et penses-tu que tu m'aimes par hasard? Dis-moi oui ou non. Devine lequel? Garde-moi entre les yeux. Tu ris comme si tu disais oui. Et comme dis-tu? Et je dis franchement que je serais bien empêché de ne pas t'aimer, car t'es bien agréable. Mais j'ai bien peur que M. Lélio, mon maître, ne consente pas à notre mariage et qu'il ne me boute hors de chez lui quand il saura que je t'aime. Car il nous a dit qu'il ne voulait point d'amourette parmi nous. Ah, et pourquoi donc ça? Est-ce qu'il a du mal à aimer son prochain? Et Morgué, je m'en vais lui gager, moi, que ça se pratique chez les Turcs. Et pourtant, ils sont bien méchants. Oh, c'est pique un Turc. À cause d'une dame de Paris qu'il aimait beaucoup et qu'il y a tourné Kazakh pour un autre galant plus mal bâti que lui, notre monsieur a fait tapage. Il est venu ici pour vivre en ermite, en philosophe, car voilà comme il dit. Et depuis ce temps, quand il entend parler d'amour, il semble qu'on l'écorche comme une anguille. Son valet Arlequin finit tout le dégoûté. Quand il voit une fille à droite, Ce drôle de Corse, bah, il désire d'aller à gauche. À cause de quelques mijaurées de chambrière qu'il y a à ce qu'il dit vendu du noir. Qu'un véritablement, c'est une pitié de ça. Il n'y a pas de police. On punit tous les jours de pauvres voleurs et on laisse aller venir les parfides. Oh, mais viens ton maître, parle-lui. Oh non, il a la face triste. C'est peut-être qu'il rêve aux femmes. Chez David, j'attends que ça soit passé. Le temps est sombre aujourd'hui. Ma chérie, il est aussi mélancolique que nous. Moi, je trouve le temps vilain quand je suis triste. C'est que tu as quelque chose qui te chagrine? Non. Tu n'as donc point de tristesse? Si fait. Dis donc pourquoi? Pourquoi? En vérité, je n'en sais rien. C'est peut-être que je suis triste de ce que je ne suis pas gay. On voit, tu sais ce que tu dis. Avec cela, il me semble que je ne me porte pas bien. Ah, si tu es malade, c'est une autre affaire. Je ne suis pas malade non plus. Es-tu fou? Si tu n'es pas malade, comment trouves-tu donc que tu ne te portes pas bien? Tenez, monsieur, je bois à merveille, je mange de même, je dors comme une marmotte. Voilà ma santé. Mais c'est une santé de crocheteur. Un honnête homme serait heureux de l'avoir. Cependant, je me sens pesant et lourd. J'ai une fainéantise dans les membres. Je vaille sans sujet. Je n'ai du courage qu'à mes repas. Tout me déplaît. Je ne vis pas, je traîne. Quand le jour est venu, je voudrais qu'il fût nuit. Quand il est nuit, je voudrais qu'il fût jour. Voilà ma maladie, voilà comment je me porte bien et mal. Je t'entends, c'est un peu d'ennui qui t'a pris. Cela se voit. As-tu sur toi ce livre qu'on m'a envoyé de Paris? Bah, répondons! Monsieur, avec votre permission que je passe de l'autre côté. Que veux-tu? Qu'est-ce que cette cérémonie? Monsieur, c'est pour ne pas voir sur cet arbre deux petits oiseaux qui sont amoureux. Cela me tracasse. J'ai juré de ne plus faire l'amour, mais quand je le vois faire, j'ai presque envie de manquer de parole à mon serment. Cela me raccommode avec ces pestes de femmes. Et puis c'est le diable de me fâcher contre elle. Ah, mon cher Harlequin, crois-tu plus exempt que toi de ces petites inquiétudes-là? Je me ressouviens qu'il y a des femmes au monde, qu'elles sont aimables, et ce ressouvenir ne va pas sans quelques émotions de cœur. Mais ce sont ces émotions-là qui me rendent inébranlable dans la résolution de ne plus voir de femmes. Pardon, cela me fait tout le contraire à moi. Quand ces émotions-là me prennent, c'est alors que ma résolution branle. Enseignez-moi donc à en faire mon profit comme vous. Oui, dame, mon ami, je t'aime. Tu as du bon sens, quoique un peu grossier. L'infidélité de ta maîtresse t'a rebuté de l'amour, la trahison de la mienne m'en a rebuté de même. Tu m'as suivi avec courage dans ma retraite et tu m'es devenu cher par la conformité de ton génie avec le mien et par la ressemblance de nos aventures. Et moi, monsieur, je vous assure que je vous aime 100 fois plus ainsi que de coutume, à cause que vous avez la bonté de m'aimer tant. Je ne veux plus voir de femme, non plus que vous. Cela n'a point de conscience. J'ai pensé crever de l'infidélité de Margot. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme? Pour la définir, il faudrait la connaître. Nous pouvons aujourd'hui en commencer la définition, mais je soutiens qu'on en verra le bouc à la fin du monde. En vérité, c'est pourtant un joli petit animal que cette femme. Un joli petit chat. C'est dommage qu'il ait tant de griffes. Oh, tu as raison, c'est dommage. Car enfin, est-il dans l'univers de figures plus charmantes que de grâce et que de variété dans cette grâce? Ah, c'est une créature à manger. Voyez ces ajustements. Jupes étroites, jupes en lanterne, coiffure en clocher, coiffure sur le nez, capuchon sur la tête, et toutes les modes les plus extravagantes, mettez-les sur une femme. Dès qu'elles auront touché sa personne enchanteresse, c'est l'amour et les grâces qui l'ont habillée. C'est de l'esprit qui lui vient jusqu'au bout des doigts. Cela n'est-il pas bien singulier? Oh, cela est vrai. Il n'y a pas dit pas de livre qui ait tant d'esprit qu'une femme quand elle est encorsée en petite pantoufle. Quel aimable désordre d'idées dans la tête. Que de vivacité, quelles expressions, que de naïveté. L'homme a le bon sens en partage. Mais ma foi, l'esprit n'appartient qu'à la femme. À l'égard de son cœur, ah, si les plaisirs qu'il nous donne étaient durables, ce serait un séjour délicieux que la terre. Nous autres hommes, pour la plupart, nous sommes jolis en amour. Nous nous répandons en petits sentiments doucereux. Nous avons la marotte d'être délicats parce que cela donne un air plus tendre. Nous faisons des méthodes de tendresse. Nous allons chez une femme, pourquoi? Pour l'aimer parce que c'est le devoir de notre emploi. Oh, quelle pitoyable façon de faire. Une femme ne veut être ni tendre, ni délicate, ni fâchée, ni bien aise. Elle est tout cela sans le savoir et cela est charmant. Regardez-la quand elle aime et qu'elle ne veut pas le dire. Oh, morbleu, nos tendresses les plus babillardes approchent-elles de l'amour qui perce à travers le silence? Ah, monsieur, je m'en souviens, Margot avait si bonne grâce à faire comme cela, Nanigo. Sans l'aiguillon de l'amour et du plaisir, notre cœur à nous autres est un vrai paralytique. Nous restons là comme des eaux dormantes qui attendent qu'on les remue pour se remuer. Le cœur d'une femme se donne sa secousse à lui-même. Il part sur un mot qu'on dit, sur un mot qu'on ne dit pas, sur une contenance. Elle a beau vous avoir dit qu'elle aime, le répète-t-elle? Vous la prenez toujours? Vous ne le saviez pas encore, ici, par une impatience, par une froideur, par une imprudence, par une distraction, en baissant les yeux, en les relevant, en sortant de sa place, en y restant, enfin, C'est de la jalousie, du calme, de l'inquiétude, de la joie, du babil et du silence de toutes couleurs. Et le moyen de ne pas s'enivrer du plaisir que cela donne, le moyen de voir adorer sans que la tête vous tourne. Ah, pour moi, j'étais tout aussi sot que les autres amants. Je me croyais un petit prodige, mon mérite m'étonnait. Ah, qu'il est mortifiant d'en rabattre. C'est aujourd'hui ma bêtise qui m'étonne. L'homme prodigieux a disparu et je n'ai trouvé qu'une dupe à sa place. Eh bien, monsieur, que si, que mi. Voilà mon histoire. J'étais tout aussi sot que vous. Vous faites pourtant un portrait qui fait venir l'envie de l'original. Plus tort que tu es. Ne t'ai-je pas dit que la femme était aimable, qu'elle avait le cœur tendre et beaucoup d'esprit? Oui, est-ce que tout cela n'est pas bien joli? Non, tout cela est affreux. Que me veux-tu, Jacqueline? Monsieur, c'est que nous voulions vous parler une petite affaire. Et de quoi s'agit-il? C'est que, ne vous déplaise, mais vous vous fâchez. Voyons. Monsieur, vous avez dit il y a que temps que vous ne vouliez pas que j'eussions des galants. Non, je ne veux point voir d'amour dans ma maison. Je viens pourtant vous demander un petit parvilège. Et quel est-il? C'est que, révérence parlée, j'avoue le cœur tendre. Tu as le cœur tendre? Voilà un plaisant aveu. Et qui est le nigaud qui est amoureux de toi? Tout beau, maître Pierre. Par charité, Harlequin, recommandez-nous à monsieur. C'est que je nous aimons, Jacqueline et moi. Je n'avons pas de grands moyens et je... Dis-moi, as-tu du cœur? Fargaine, oui. À la parfum, elle m'a lâché son amitié. Oh, malheureux que je te plains. Ton mal est sans remède. Achève donc, Jacqueline. Monsieur, par la patience. C'est donc vous en déplaise que je voulons nous marier. Et comme se dit l'autre, c'est pas le tout qu'un pourpoint s'il n'y a des manches. C'est ce qui fait, si vous permettez que je vous le dise en bref. Non, Jacqueline, dis-le-moi en long, tu auras plutôt fait. C'est que j'avons que qu'espérance que vous nous baillerez quelque chose en entrée de ménage. Soit, je le veux. Nous verrons cela une autre fois et je ferai ce que je pourrai. Pourvu que le parti te convienne. Laisse-moi. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, mon cher maître, il y a une mauvaise nouvelle. Vous avez entendu parler de cette comtesse qui a acheté depuis un an cette belle maison près de la vôtre? Oui. Eh bien, on m'a dit que cette comtesse est ici et qu'elle veut vous parler. J'ai mauvaise opinion de cela. Oh, morbleu, toujours des femmes. Et comme veut-elle? Ah, je n'en sais rien, mais on dit qu'elle est belle et veuve. Je gage qu'elle est encline à faire du mal. Et moi, enclin à l'éviter. Je ne me soucie ni de sa beauté, ni de son veuvage. Que le ciel vous maintienne dans cette bonne disposition. Et qu'as-tu? Ah, c'est qu'on dit qu'elle a aussi une fille de chambre avec elle, et voilà mes émotions de cœur qui me reprennent. Oh, Benet, une femme te fait peur? Hélas, monsieur, j'espère en vous et en votre assistance. Oh, je crois que les voilà qui se promènent. Retirons-nous. Monsieur. Madame. Je vous demande pardon de la liberté que je prends, mais il y a le neveu de mon fermier qui recherche en mariage une jeune paysanne de chez vous. Ils ont peur que vous ne consentiez pas à ce mariage et m'ont prié de vous engager à les aider de quelques libéralités, comme de mon côté j'ai dessein de le faire. Voilà, monsieur, tout ce que j'avais à vous dire quand vous alliez vous retirer. Madame, j'aurai tous les égards que mérite votre recommandation et je vous prie de m'excuser si j'ai fui. Mais je vous avoue que vous êtes d'un sexe avec qui j'ai dû devoir rompre toute ma vie. Oh, cela paraîtra bien bizarre. Je ne chercherai point à me justifier car il me reste un peu de politesse et je craindrais d'entamer une matière qui me met toujours de mauvaise humeur. Et si je parlais, il pourrait, malgré moi, m'échapper des traits d'une incivilité qui vous déplairait et que mon respect vous épargne. Un petit mot, s'il vous plaît. Oserait-on vous demander d'où vient cette férocité qui vous prend, à vous et à votre maître? C'est que mon maître a fait vœu de fuir les femmes parce qu'elles ne valent rien. Impertinent! Ce n'est pas votre faute, c'est la nature qui vous a bâti comme cela. Et moi, j'ai fait vœu aussi. Nous avons souffert comme des misérables à cause de votre bel esprit, de vos jolis charmes et de votre tendre cœur. Hélas, quelle lamentable histoire! Et comment te tireras-tu d'affaire avec moi? Je suis une espiègle et j'ai envie de te rendre un peu misérable de ma façon. Si votre fille de chambre n'était pas présente, je vous dirais franchement, madame, que je ne vous crains ni ne vous aime. Ne vous gênez point, monsieur. Tout ce que nous disons ici ne s'adresse point à nous. Regardons-nous comme hors d'intérêt. Et sur ce pied-là, peut-on vous demander ce qui vous fâche si fort contre les femmes? Ah, madame, dispensez-moi de vous le dire. C'est un récit que j'accompagne ordinairement de réflexions où votre sexe ne trouve pas son compte. Je vous devine. C'est une infidélité qui vous a donné tant de colère. Oui, madame, c'est une infidélité. Mais affreuse, mais détestable. N'allons point si vite. Votre maîtresse cessa-t-elle de vous aimer pour en aimer un autre? Que redoutez-vous, madame? La simple infidélité serait insipide et ne tenterait pas une femme sans l'assaisonnement de la perfidie. Quoi? Vous eûtes un successeur. Et l'on aima un autre. Oui, madame. Comment? Cela vous étonne? Voilà pourtant les femmes et ses actions doivent vous mettre en pays de connaissance. Le petit blasphémateur. Oui, votre maîtresse est une indigne et l'on ne saurait trop la mépriser. D'accord qu'il la méprise. Il n'y a pas à tortiller, c'est une coquine celle-là. J'ai cru d'abord, moi, qu'elle n'avait fait que se dégoûter de vous et de l'amour, et je lui pardonnais en faveur de cela la sottise qu'elle avait eue de vous aimer. Enfin, quand je dis vous, je parle des hommes en général. Comment, madame? Ce n'est donc rien à votre compte que de cesser sans raison d'avoir de la tendresse pour un homme? C'est beaucoup, au contraire. Cesser d'avoir de l'amour pour un homme, c'est à mon compte. Connaître sa faute, s'en repentir, en avoir honte, sentir la misère de l'idole qu'on adorait et rentrer dans le respect qu'une femme se doit à elle-même. Ah, j'ai bien vu que nous ne nous entendions point. Si votre maîtresse n'avait fait que renoncer à son attachement ridicule, il n'y aurait rien de plus louable. Mais ne faire que changer d'objet, ne guérir d'une folie que par une extravagance, eh, fi, je suis de votre sentiment, cette femme-là est tout à fait méprisable. Amant pour amant, il valait autant que vous déshonorassiez sa raison qu'un autre. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à cette chute-là. Il faudrait bien des conversations comme celle-là pour en faire une raisonnable. Courage, monsieur. Vous voilà tout déféré. Décochez-lui quelques traits bien hétéroclites qui sentent bien l'original. Eh? Vous avez fait des merveilles, d'abord. C'est assurément mettre les hommes bien bas que de les juger indignes de la tendresse d'une femme. L'idée est neuve. Elle ne fera pas fortune chez vous. On voit bien que vous êtes fâché, madame. Moi, monsieur? Je n'ai point à me plaindre des hommes. Je ne les hais point non plus. Hélas, la pauvre espèce. Elle est pour qu'il examine encore plus comique que haïssable. Oui, Dash, je crois que nous trouverons plus de ressources à nous en divertir qu'à nous fâcher contre elle. Mais qu'a-t-elle donc de si comique? Ce qu'elle a de si comique? Mais y songez-vous, monsieur. Vous êtes bien curieux d'être humilié dans vos confrères. Si je parlais, vous seriez tout étonné de vous trouver de 100 piques au-dessous de nous. Vous demandez ce que votre espèce a de comique, qui, pour se mettre à son aise, a eu besoin de se réserver un privilège d'indiscrétion, d'impertinence et de fatuité, qui suffoquerait si elle n'était babillarde, si sa misérable vanité n'avait pas ses coudées franches, s'il ne lui était pas permis de déshonorer un sexe qu'elle ose mépriser pour les mêmes choses dont l'indigne qu'elle a fait sa gloire. Oh, l'admirable engeance qui a trouvé la raison et la vertu des fardeaux trop pesants pour elle et qui nous a chargés du soin de les porter. Ne voilà-t-il pas de beaux titres de supériorité sur nous? Et de pareils gens ne sont-ils pas risibles? Monsieur, vous à moi, monsieur. Vous ne connaissez pas votre misère, j'oserais vous le dire. Vous voilà bien irrité contre les femmes. Je suis peut-être, moi, la moins aimable de toutes. Tout hérissé de rancune que vous croyez être, moyennant deux ou trois coups d'œil flatteurs qui m'en coûteraient, grâce à la tournure grotesque de l'esprit de l'homme, vous m'allez donner la comédie. Oh, je vous défie de me faire payer ce tribut de folie-là. Ma foi, madame, cette expérience-là vous porterait malheur. Oh non, non, cela est plaisant. Madame, peu de femmes sont aussi aimables que vous. Vous l'êtes tout autant que je suis sûr que vous croyez l'être. Mais s'il n'y a que la comédie dont vous parlez qui puisse vous réjouir, en ma conscience, vous ne rirez de votre vie. En ma conscience, vous me la donnez tous les deux, la comédie. Cependant, si j'étais à la place de madame, le défi me piquerait et je ne voudrais pas en avoir le démenti. Non, la partie ne me pique point, je la tiens gagnée. Mais comme à la campagne, il faut voir quelqu'un, soyons amis pendant que nous y resterons. Je vous promets sûreté. Nous nous divertirons, vous à médire des femmes et moi à mépriser les hommes. Volontiers. Le joli commerce, on n'a qu'à vous en croire. Les hommes tireront à l'Orient, les femmes à l'Occident. Cela fera de belles productions et nos petits neveux auront bon air. Et morbleu, pourquoi prêcher la fin du monde? Cela coupe la gorge à tout. Soyons raisonnables. Condamner les amants déloyaux, les conteurs de sornettes à être jetés dans la rivière, une pierre au cou, à merveille. Enfermer les coquettes entre quatre murailles, fort bien. Mais les amants fidèles, dressez-leur de belles et bonnes statues pour encourager le public. Ah, vous riez. Adieu, pauvres brebis égarées. Pour moi, je vais travailler à la conversion d'Arlequin. La folle. Je vous quitte, monsieur. Ne me trompez-je point? Et sous vous que je vois, madame la comtesse? Oui, baron, c'est moi-même. Quoi, avec notre ami les lions? Cela se peut-il? Mais que trouvez-vous donc là de si étrange? Mais je n'ai l'honneur de connaître madame que depuis un instant. Et d'où vient ta surprise? Comment ma surprise? Voilà peut-être le coup de hasard le plus bizarre qui soit arrivé. En quoi? En quoi? Morbleu, je n'en saurais revenir. C'est le fait le plus curieux qu'on puisse imaginer. Dès que je serai à Paris où je vais, je le ferai mettre dans la gazette. Que veux-tu dire? Songez-vous à tous les millions de femmes qu'il y a dans le monde, au couchant, au levant, au septentrion, au midi, européennes, asiatiques, africaines, américaines, blanches, noires, basanées, de toutes les couleurs. Nos propres expériences et les relations de nos voyageurs nous apprennent que partout la femme est amie de l'homme et que la nature l'a pourvue de bonne volonté pour lui. La nature n'a manqué que madame. Le soleil n'éclaire qu'elle chez qui notre espèce n'est point rencontrée grâce. Et cette seule exception de la loi générale se rencontre avec un personnage, je te le dis en ami, avec un homme qui nous a donné l'exemple d'un fanatisme tout neuf, qui seul de tous les hommes n'a pu s'accoutumer aux coquettes qui fourmillent sur la terre et qui sont aussi anciennes que le monde. Enfin, qui s'est condamné à venir ici languir de chagrin de ne plus voir de femme en expiation du crime qu'il a fait quand il en a vu. Oh, je ne sache point d'aventure qui aille de pair avec la peau. Je te pardonne toutes tes injures en faveur de ces coquettes qui fourmillent sur la terre et qui sont aussi anciennes que le monde. Pour moi, je me sais bon gré que la nature m'ait manqué et je me passerai bien de la façon qu'elle aurait pu me donner de plus. Et c'est autant de sauver, c'est un ridicule de moi. Madame, n'appelez point cette faiblesse-là ridicule. Ménageons les termes. Il peut venir un jour où vous serez bien aise de lui trouver une épithète plus honnête. Oui, si l'esprit me tourne. Eh bien, il vous tournera. C'est si peu de choses que l'esprit. Après tout, il n'est pas encore sûr que la nature vous ait absolument manqué. Monsieur, j'entends volontiers raillerie, mais cessons pourtant. Je vous demande pardon, mais vous aimerez, s'il vous plaît, madame. Lélio est mon ami, et je ne veux pas lui donner de maîtresse insensible. Cherchez-lui donc une maîtresse ailleurs, car il trouverait fort mal son compte ici. Madame, je sais le peu que je vaux. On peut se dispenser de me la prendre. Après tout, votre antipathie ne me fait point trembler. Bon, voilà de l'amour qui prélude par du dépit. Vous seriez fort à plaindre, monsieur, si mes sentiments ne vous étaient indifférents. Oh, le beau duo, vous ne savez pas encore combien il est temps. En vérité, vos folies me poussent à bout, baron. Bonjour, monsieur le baron. Comme vous voilà rouge, madame. Monsieur Lélio est tout je ne sais comment aussi. Il a l'air d'un homme qui veut être fier et qui ne peut pas l'être. Qu'avez-vous donc, tous deux? Ah, l'étourdi. Laisse-les, Colombine. Ils sont de méchante humeur. Ils viennent de se faire une déclaration d'amour l'un et l'autre, et le tout en se fâchant. Je vois bien qu'ils nous apprêteront à rire. Mais où est Arlequin? Je veux qu'il m'amuse ici. J'entends quelqu'un, ne serait-ce pas lui? Ce gibier-là mène à chasseur trop loin, je me perdrai. Tournons d'un autre côté. Ah, allons donc. Ah, la fine mouche. Je vois bien que tu cherches midi à 14h. Passez votre chemin, mamie. Il ne me plaît pas, moi. Passe-le toi-même. Oh, pardi, à bon chat, bon rat. Je vais rester ici. Mais le fou qui perd l'esprit en voyant une femme. Va-t'en, va-t'en, va-t'en, demander ton pantin à mon maître. Il te le donnera pour rien. Tu verras si tu n'es pas une vipère. Mon maître est un visionnaire qui te fait faire pénitence de tes sottises. Dans le fond, tu me fais pitié. C'est dommage qu'un jeune homme comme toi, assez bien fait et bon enfant, car tu es sans malice. Je n'en ai non plus qu'un poulet. Mais c'est dommage qu'il consume sa jeunesse dans la langueur et la souffrance. Car, dis la vérité, tu t'ennuies ici. Tu pâlis. Oh, cela n'est pas croyable. Et pourquoi, Nigo, mener une pareille vie? Pour ne point tomber dans vos pattes, race de chat que vous êtes. Si vous étiez de bonnes gens, nous ne serions pas venus nous rendre ermites. Malgré tout cela, il ne s'en faut de rien que je ne t'aime. Ah, la seule chose que le cœur de l'homme. Cet original dispute contre son cœur, comme un honnête homme. N'as-tu pas honte d'être si jolie et si traîtresse? Comme si l'on devait rougir de ses bonnes qualités. Au revoir, Nigo. Tu me fuis, mais cela ne durera pas. Est singulier. Je trouve qu'il y a un quart d'heure que nous nous promenons sans rien dire. Entre deux femmes, ça ne laisse pas d'être fort. Sommes-nous bien dans notre état naturel? Je ne sache rien d'extraordinaire en moi. Vous voilà pourtant bien rêveuse. C'est que je songe à une chose. Voyons ce que c'est. Suivant l'espèce de la chose, je ferai l'estime de votre silence. C'est que je songe qu'il n'est pas nécessaire que je voie si souvent les lieux. Mienne, à dire vrai, mais pas plus méritoire. Je me taisais à peu près dans le même goût. Je ne rêve pas à Lélio, mais je suis autour de cela. Je rêve au valet. Tiens, prends ce billet. Pourquoi donc madame la comtesse sortir-t-elle en me voyant? Monsieur, ma maîtresse a jugé à propos de réduire sa conversation dans ce billet. À la campagne, on a l'esprit ingénieux. Je ne vois pas la finesse qu'il peut y avoir à me laisser là quand j'arrive pour m'entretenir dans des papiers. J'allais prendre des mesures avec elle pour nos paysans. Mais voyons ses raisons. Je vous conseille de lui répondre, cela sera bien drôle. Monsieur, depuis que nous nous sommes quittés, j'ai fait réflexion qu'il était assez inutile de nous voir. Oh, très inutile, je l'ai pensé de même. Je prévois que cela vous gênerait, et moi, à qui il n'ennuie pas d'être seul, je serais fâché de vous contredire. Vous avez raison, madame, je vous remercie de votre attention. Vous savez la prière que je vous ai faite tantôt au sujet du mariage de nos jeunes gens. Je vous prie de vouloir bien me marquer là-dessus quelque chose de positif. Volontiers, madame, vous n'attendrez point. Voilà la femme du caractère le plus passable que j'ai vu de ma vie. Si j'étais capable d'en aimer quelqu'une, ce serait elle. L'éloignement qu'elle a pour moi me donne en vérité beaucoup d'estime pour elle, cela est dans mon goût. Je suis ravi que la proposition vienne d'elle. Elle m'épargne à moi la peine de la lui faire. Ah, pour cela, oui. Notre dessein était de lui dire que nous ne voulions plus d'elle. Quoi? Ni de moi non plus? Oh, je suis honnête, je ne veux point dire aux gens des injures à leur nez. Eh bien, monsieur, faites-vous répondre. Oui, ma chère enfant, j'y cours. Vous pouvez lui dire, puisqu'elle choisit le papier pour le champ de bataille de nos conversations, que j'en ai près d'une rame chez moi et que le terrain ne me manquera de longtemps. Nous verrons à qui aura le dernier. Vous êtes distrait, monsieur. Vous dites que vous courez faire réponse et vous voilà encore. J'ai tort. J'oublie les choses d'un moment à l'autre. Attendez-là un instant. C'est-à-dire que vous êtes bien charmé du parti que prend ma maîtresse. Oh, pardi, cela est admirable. Oui, assurément, cela me fera plaisir. Cela se passera. Allez. Il faut bien que cela se passe. Emmenez-moi avec vous, monsieur, car je ne me fie point à elle. Oh, je ne consentirai point à demeurer seule. Je veux causer. Oh, fais-lui l'honnêteté de rester avec elle, je vais revenir. J'ai bien affaire, moi, d'être honnête à mes dépens. Et qu'as-tu à craindre? Tu ne m'aimes point, tu ne veux point m'aimer. Non, non, je ne veux point t'aimer. Je n'ai que faire de prendre la peine de m'empêcher de le vouloir. Tu m'aimerais donc si tu ne t'en empêchais? Laissez-moi en repos, mademoiselle Colombine. Promenez-vous d'un côté et moi d'un autre. Sinon, je m'enfuirai, car je réponds tout de travers. Puisqu'on ne peut avoir l'honneur de ta compagnie qu'à ce prix-là, je le veux bien. Promenons-nous! C'est une malédiction, cet amour. Il m'a tourmenté quand j'en avais, et il me fait encore du mal à cette heure que je n'en veux point. Il faut prendre patience et faire bonne mine. Tout en badinant, cependant, me voilà dans la fantaisie d'être aimé de ce petit corps-là. Ça nous a manqué de fois, qu'André que je vois dans sa mine. Qu'une différence avec moi, son lit, demandez-le pourquoi. Je laisse aller la pelurie. Mais vraiment, tu as la voix belle. Sais-tu la musique? Oui, je commence à lire les paroles. Je ne dis mot, je me tiens quoi. Je bâtis folle avec Claudie. En voyant ça, la maturine prend du souci, rêva par soi. Et puis tout d'un coup, la mutine me dit, j'enrage contre toi. Peste-soi du petit coquin. Sérieusement, je crois qu'il me pique. Elle me regarde. Elle voit bien que je fais semblant de ne pas songer à elle. Arlequin, je commence à me lasser de la promenade. Ça se peut bien. Comment te va le cœur? Oh, je ne prends pas garde à cela. Gageons que tu m'aimes. Je ne gage jamais, je suis trop malheureux, je perds toujours. Oh, tu m'ennuies, je veux que tu me dises franchement que tu m'aimes. Encore un petit tour de promenade. Non, parle, ou je te hais. Oh, que t'ai-je fait pour me haïr? Savez-vous bien, monsieur le butor, que je vous trouve à mon gré, et qu'il faut que vous soupiriez pour moi? Je te plais donc? Eh oui, ta petite figure me revient assez. Je suis perdu, j'étouffe. Adieu, mamie, sauf qui peut. Ah, monsieur, vous voilà. Qu'es-tu donc? Hélas, c'est ce lutin-là qui me prend à la gorge. Elle veut que je l'aime. Et ne saurais-tu lui dire que tu ne veux pas? Vous en parlez bien à votre aise. Elle a la malice de me dire qu'elle me haïra. J'ai entrepris la guérison de sa folie. Il faut que j'en vienne à vous. Va, va, C'est parti, Armette. Oh, voyez la belle guérison, je suis de la moitié plus fou que je n'étais. Bon courage, Arlequin. Tenez, Colombine, voilà la réponse au billet de votre maîtresse. Monsieur, ne l'avez-vous pas faite un peu trop fière? Bon, mais pourquoi la ferais-je fière? Je la fais indifférente. Ai-je quelque intérêt à la faire autrement? Écoutez, je vous parle en ami. Si j'avais besoin d'indifférence et qu'on en vendit, je ne ferais pas en plaide de la vôtre. J'ai bien peur que ce soit une drogue de charlatan. Laissez-moi, Colombine, ce discours m'ennuie. Je ne veux plus vous voir, vous me fatiguez, vous m'êtes insupportable. Et voilà le sens du billet tout mitigé qu'il est. Oh, à la vérité que je ne croyais pas être si haïssable. Qu'en dis-tu, Arlequin? Oh, monsieur, chacun a son goût. Parbleu, je suis content de la réponse que j'ai faite au billet et de l'air dont je l'ai reçu, mais très content. Ça ne vaut pas la peine d'être si content, à moins qu'on ne soit fâché. Tenez-vous ferme, mon cher maître, car si vous tombez, me voilà à bas. Moi tomber? Je pars dès demain pour Paris. Voilà comme je tombe. Ce voyage-là pourrait bien être une culbute à gauche au lieu d'une culbute à droite. Point du tout. Cette femme croirait peut-être que je serais sensible à son amour et je veux la laisser là pour lui prouver que non. Et que ferais-je donc? Tu me suivras? Et je n'ai rien à prouver à Colombine. Oh, bon, ta Colombine. Il s'agit bien de Colombine. Veux-tu encore aimer? Dis, ne te souvient-il plus de ce que c'est qu'une femme? Je n'ai non plus de mémoire qu'un lièvre quand je vois cette fille-là. Il faut avouer que les bizarreries de l'esprit d'une femme sont des pièges bien finement dressés contre nous. Dites-moi, monsieur, j'ai fait un gros serment de n'être plus amoureux. Mais si Colombine m'ensorcelle, je n'ai pas mis cet article-là dans mon marché, mon serment ne vaudra rien, n'est-ce pas? Nous verrons. Ce qui m'arrive avec la comtesse ne suffirait-il pas pour jeter des étincelles de passion dans le cœur d'un autre? Ah, sans l'inimitié que j'ai vouée à l'amour, j'extravaguerais actuellement peut-être. Je sens bien qu'il ne m'en faudrait pas davantage. Je serais piqué, j'aimerais. Cela irait tout de suite. Ah, que je suis heureux dans cette occasion d'être à l'abri de tous ces périls. Le voilà, ce billet insultant, malhonnête. Les mauvais procédés m'ont toujours déplu. Et le vôtre est un des plus déplaisants, madame la comtesse. Je suis bien fâché de ne l'avoir pas rendue à Colombie. Ah, monsieur, ne me parlez plus d'elle. Car voyez-vous, j'ai dans mon esprit qu'elle est amoureuse et j'enrage. Amoureuse? Elle, amoureuse? Oui, je la voyais tantôt qui badinait et qui ne savait que dire. Elle tournait autour du pot. Je crois même qu'elle a tapé du pied. Tout cela est signe d'amour, monsieur, tout cela mène un homme à mal. Oh, si je m'imaginais que ce que tu dis fût vrai, nous partirions tout à l'heure pour Constantinople. Eh, mon maître, ce n'est pas la peine que vous fassiez ce chemin-là pour moi. Je ne mérite pas cela. Il vaut mieux que j'aime que de vous coûter tant de dépenses. Plus j'irai, mais plus je vois qu'il faut que tu sois fou pour me dire que je lui plais après son billet et son procédé. Son billet? De qui parlez-vous? D'elle? Eh bien, ce billet n'est pas d'elle. Il ne vient pas d'elle? Pardon, c'est de la comtesse. Et de qui diantre me parles-tu donc, buteur? Moi, de Colombine. Ce n'était donc pas à cause d'elle que vous vouliez me mener à Constantinople? Cette fois de l'animal avec son galimatias. Oh, je croyais que c'était pour moi que vous vouliez voyager. Oh, qu'il ne t'arrive plus de faire de ces méprises-là, hein? Car j'étais certain que tu n'avais rien remarqué pour moi dans la comtesse. Si fait, j'ai remarqué qu'elle vous aimera bientôt. Tu rêves? Et je remarque que vous l'aimerez aussi. Moi l'aimer? Tiens, tu me feras plaisir de savoir adroitement de Colombine les dispositions où elle se trouve, car je veux savoir à quoi m'en tenir. Et si contre toute apparence il se trouvait dans son cœur une ombre de penchant pour moi, vite, à cheval, je pars. Bon, et vous partez demain pour Paris. Qu'est-ce qui t'a dit cela? Vous? Il n'y a qu'un moment. Ah, c'est que la mémoire vous manque, comme à moi. Je m'en vais tâcher de rencontrer Colombine et je ferai votre affaire. Attends. Tiens, ce n'est pas la peine que tu y ailles. Pourquoi? Bon, c'est que ce que je pourrais apprendre ne me servirait de rien. Si elle m'aime, que m'importe? Si elle ne m'aime pas, je n'ai pas besoin de le savoir. Ainsi, je ferais mieux de rester comme je suis. Monsieur, si je deviens amoureux, je veux avoir la consolation que vous le soyez aussi, afin qu'on dise toujours telle valette, telle maître. Je ne m'embarrasse pas d'être un ridicule pourvu que je vous ressemble. Si la comtesse vous aime, je viendrai vitement vous le dire, afin que cela vous achève. Par bonheur, vous êtes déjà bien avancé. Ça me fait grand plaisir. Je ne le querelle point, car il est déjà tout égaré. Je prierai pourtant la comtesse d'ordonner à Colombine de laisser ce malheureux en repos. Mais peut-être elle est bien aise elle-même que l'autre travaille à lui détraquer la cervelle. Monsieur! Eh bien, que veux-tu? Je viens vous demander mon congé. Morbleu, je n'entends parler que d'amour. Et laissez-moi respirer, vous autres, vous me lassez. Faites comme il vous plaira. J'ai la tête remplie de femmes et de tendresse. Ces maudites idées-là me suivent partout et elles m'assiègent. Arlequin d'un côté, les folies de la comtesse de l'autre, et toi aussi. Monsieur, c'est que je viens vous dire que je veux m'en aller. Pourquoi? C'est que Pierre ne m'aime plus. Ce misérable-là s'est amouraché de la fille à Thomas. Donnez, monsieur, ce que c'est que de la cruauté des hommes. Je l'ai vu qui batifolait avec elle. Moi, pour le faire venir, Je lui fais comme ça avec le bras. Hihi, allô. Le vilain qu'il est m'a fait comme ça un geste du coude. Cela voulait dire, va te promener. Oh, que les hommes sont traîtres. Voilà qui est fait. J'en suis si saoul que j'en veux plus entendre parler. Et je viens pour cet effet vous demander mon congé. Va, va, Jacqueline, il ne faut pas que tu t'en ailles. Oh, monsieur, je veux pas rester dans le village. Car on est si faible. Et si ce garçon-là me recherchait, chi paranguineuse, il y aurait du rapatriage. Et je prétends être brouillé. Ne te presse pas. Nous verrons ce que dira la comtesse. La place est de comtesse. Je m'en vais. Elle a l'air de chercher quelque chose par terre. Elle m'a écrit tantôt, si je me retire, elle croira que je prends ma revanche et que j'ai remarqué son procédé. Comme il n'en est rien, il est bon de lui paraître tout aussi indifférent que je le suis. Continuons de rêver. Je n'ai qu'à ne lui point parler pour remplir les conditions du billet. Ce voisinage-là me déplaît. Je crois que je ferai fort bien de m'en aller d'une penseuse qu'elle voudra. Oh, parbleu, c'en est trop, madame. Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire qu'il était inutile de nous revoir et j'ai trouvé que vous pensiez juste. Mais je prendrai la liberté de vous représenter que vous me mettez hors d'état de vous obéir. Hélas, monsieur, je ne vous voyais pas. Après cela, quand je vous aurai vu, je ne me ferai pas un grand scrupule d'approcher de l'endroit où vous êtes et je ne me détournerai pas de mon chemin à cause de vous. Je vous dirai cependant que vous outrez les termes de mon billet. Il ne signifiait pas « haïssons-nous, soyons-nous odieux ». Si vos dispositions de haine pour toutes les femmes ou pour moi vous l'ont fait expliquer comme cela, et si vous le pratiquez comme vous l'entendez, ce n'est pas ma faute. Je vous plains beaucoup de m'avoir vu. Vous souffrez apparemment et j'en suis fâché, mais vous avez le champ libre, voilà de la place pour fuir. Délivrez-vous de ma vue. Quant à moi, monsieur, qui ne vous hait ni ne vous aime, qui n'ai ni chagrin ni plaisir à vous voir, vous trouverez bon que j'aille mon train, que vous me soyez un objet parfaitement indifférent et que j'agisse tout comme si vous n'étiez pas là. Je cherche mon portrait. J'ai besoin de quelques petits diamants qui en ornent la boîte. Je l'ai prise pour les envoyer démonter à Paris et Colombine, à qui je l'ai donné pour la remettre à un de mes gens qui part exprès, l'a perdue. Voilà ce qui m'occupe. Et si je vous avais aperçu là, il ne m'en aurait coûté que de vous prier très froidement et très poliment de vous détourner. Peut-être même m'aurait-il pris fantaisie de vous prier de chercher avec moi puisque vous vous trouviez là, car je n'aurais pas deviné que ma présence vous affligea. À présent que je le sais, je n'userai point d'une prière incivile. Fuyez vite, monsieur, car je continue. Madame, je ne veux point être incivile non plus, et je reste puisque je peux vous rendre service. Je vais chercher avec vous. Non, monsieur, ne vous contraignez pas. Allez-vous-en. Je dis que vous me haïssez, je vous l'ai dit, vous n'en disconvenez point. Allez-vous-en donc, je m'en vais. Parbleu, madame, c'est trop souffrir de rebus en un jour, et billets et discours, tout se ressemble. Adieu donc, madame, je suis votre serviteur. Monsieur, je suis votre servante. Quoi, vous revenez, monsieur ? Oui, madame, je reviens. J'ai quelque chose à vous dire, et puisque vous voilà, ce sera un billet épargné, et pour vous, et pour moi. À la bonne heure. De quoi s'agit-il ? C'est que le neveu de votre fermier ne doit plus compter sur Jacqueline. Madame, cela doit vous faire plaisir, car cela finit le peu de commerce forcé que nous avions ensemble. Le commerce forcé ? Vous êtes bien difficile, monsieur, vos expressions sont bien naïves. Mais passons. Pourquoi donc, s'il vous plaît, Jacqueline ne veut-elle pas de ce jeune homme ? Que signifie ce caprice-là ? Ce que signifie ce caprice ? Je vous le demande, madame. Cela n'est point à mon usage et vous le définirez mieux que moi. En vérité, je ne vous comprends pas. Vous avez rompu avec les femmes, moi avec les hommes. Vous n'avez pas changé de sentiment, n'est-il pas vrai ? D'où vient donc j'en changerai ? Y songez-vous ? Oh, mettez-vous dans l'esprit que mon opiniâtreté vaut bien la vôtre et que je n'en démordrai point. Madame, vous m'avez accablé de preuves d'opiniâtreté, ne m'en donnez plus, voilà qui est fini. Je ne songe à rien, je vous assure. Qu'appelez-vous, monsieur ? Vous ne songez à rien ? Mais du ton dont vous le dites, il semble que vous vous imaginez m'annoncer une mauvaise nouvelle. Eh bien, monsieur, vous ne m'aimerez jamais. Cela est-il si triste ? Ah, je le vois bien. Je vous ai écrit qu'il ne fallait plus nous voir et je veux mourir si vous n'avez pris cela pour quelque agitation de cœur. Assurément, vous me soupçonnez de penchant pour vous. Vous m'assurez que vous n'en aurez jamais pour moi. Vous me croyez me mortifier. Vous le croyez, monsieur Léliot. Vous le croyez, vous dis-je. Ne vous en défendez point. Je ne pense point que vous m'aimiez, madame. Vous me traitez mal, mais vous y trouvez du goût. N'usez point de prétexte. Je vous ai déplu d'abord. Moi, spécialement, je l'ai remarqué. Si je vous aimais, de tous les hommes qui pourraient vous aimer, je serais peut-être le plus humilié, le plus raillé et le plus à plaindre. D'où vous vient cette idée-là? Vous vous trompez. Je serais fâché que vous m'aimassiez parce que j'ai résolu de ne point aimer. Mais quelque chose que j'ai dit, je croirais du moins devoir vous estimer. J'ai bien de la peine à le croire. Vous êtes injuste, je ne suis pas sans discernement. Mais à quoi bon faire cette supposition que si vous m'aimiez, je vous traiterais plus mal qu'un autre? La supposition est inutile, puisque vous n'avez point envie de faire l'essai de mes manières, que vous importe ce qui en arriverait, ça doit vous être indifférent. Vous ne m'aimez pas, car enfin, si je le pensais... Je vous prie, point de menace, madame. Vous m'avez tantôt offert votre amitié, je ne vous demande que cela, je n'ai besoin que de cela, ainsi vous n'avez rien à craindre. Puisque vous n'avez besoin que de cela, monsieur, j'en suis ravi. Je vous l'accorde. J'en serai moins gêné avec vous. Moins gêné? Ma foi, madame, il ne faut pas que vous le soyez du tout. Tout bien pesé, je crois que nous ferons mieux de suivre les termes de votre billet. Oh, de tout cœur. Allons, monsieur, ne nous voyons plus. Je fais présent 200 pistoles au neveu de mon fermier. Vous me ferez savoir ce que vous voulez donner à la fille et je verrai si je souscrirai à ce mariage, puisque cette rupture va lever l'obstacle que vous y avez mis. Soyons inconnus l'un à l'autre. J'oublie que je vous ai vu, je ne vous reconnaîtrai pas demain. Et moi, madame, je vous reconnaîtrai toute ma vie. Je ne vous oublierai point. Vos façons avec moi vous ont gravé pour jamais dans ma mémoire. Vous m'y donnerez la place qu'il vous plaira, je n'ai rien à me reprocher. Mes façons ont été celles d'une femme raisonnable. Morbleu, madame. Vous êtes une dame raisonnable, à la bonne heure. Mais accordez donc cette lettre avec vos offres d'amitié, cela est inconcevable. Aujourd'hui, votre ami, demain, rien. Pour moi, madame, je ne vous ressemble pas, et j'ai le cœur aussi jaloux en amitié qu'en amour. Ainsi, nous ne nous convenons point. Adieu, monsieur. De vous parler d'un air bien dégagé, et presque offensant. Si j'étais vaine, cependant, et si j'en crois Colombine, je vaux quelque chose à vos yeux même. Un moment. Vous êtes de toutes les dames que j'ai vues celles qui vaut le mieux. Je sens même que j'ai du plaisir à vous rendre cette justice-là. Colombine vous en a dit davantage. C'est une visionnaire, non seulement sur mon chapitre, mais encore sur le vôtre, madame. Je vous en avertis. Ainsi, ne croyez jamais au rapport de vos domestiques. Comment que dites-vous, monsieur? Colombine vous aurait fait entendre? Oh, l'impertinente! Colombine, venez ici. Comme vous voulez, vous, madame. Ce que je veux. Si vous ne voulez rien, je m'en... Parlez. Quel discours avez-vous tenu à monsieur sur mon compte? Des discours très sensés, à mon ordinaire. Je vous trouve bien hardi d'oser suivre votre petite cervelle tirée de folles conjectures de mes sentiments. Et je voudrais bien vous demander sur quoi vous avez compris que j'aime monsieur à qui vous l'avez dit. N'est-ce que cela? Je vous jure que je l'ai dit comme je l'ai cru et que je l'ai dit pour le bien de la chose. C'était pour abréger votre chemin à l'un et à l'autre. Car vous y viendrez tous deux. Ça ira là. Et si la chose arrive, je n'aurai fait aucun mal. À votre égard, madame, je vais vous expliquer sur quoi j'ai pensé que je vous aimiez. Je vous défends de parler. Je suis honteux d'être la cause de cette explication. Mais vous pouvez être persuadé que ce qu'elle a pu dire ne m'a fait aucune impression. Non, madame, vous ne m'aimez point, j'en suis convaincu. Je vous avouerai même dans l'état où je suis que cette conviction m'est absolument nécessaire. Je vous laisse. Juste ciel. D'où vient que je suis émue de ce que je viens d'entendre? Cette conviction m'est absolument nécessaire. Oh non, non, non. Non, cela ne signifie rien et je n'y veux rien comprendre. Notre amour se fait grand. Il parlera bientôt bon français. J'avais perdu. Tous les diamants y sont, rien n'y manque, hors le portrait de ma maîtresse que M. Léliot a gardé. C'est un grand bonheur que vous ayez trouvé cela. Je vous rends la boîte. Il est juste que vous la donniez vous-même à Madame la Comtesse. Adieu, je suis pressée. Eh là là là là là, ne vous en allez pas si vite, je suis de bonne humeur. Je vous ai dit ce que je pensais de ma maîtresse à l'égard de votre maître. Bonjour. Eh bien, dites à cette heure ce que vous pensez de moi. Je pense de vous que vous m'ennuieriez si je restais plus longtemps. Fu, la mauvaise pensée. Causons pour chasser cela, c'est une migraine. Je n'ai pas le temps, monsieur Harlequin. Allons donc. Faut-il avoir des manières comme cela avec moi? Oh, vous me traitez de monsieur, cela est-il honnête? Très honnête. Mais vous m'amusez, laissez-moi, que voulez-vous que je fasse ici? Ne me dire comment je me porte, par exemple. Me faire de petites questions, Harlequin par-ci, Harlequin par-là. Me demander, comme tantôt, si je vous aime. Eh, que sait-on? Peut-être je vous répondrai que oui. Oh, je ne m'y fie plus. Si fait, fiez-vous-y pour voir. Non. Vous haïssez trop les femmes. Cela m'a passé, je leur pardonne. Et moi, à compter d'aujourd'hui, je me brouille avec les hommes. Dans un an ou deux, je me raccommoderai peut-être avec ces nigauds-là. Il faudra donc que je me tienne pendant ce temps-là les bras croisés à vous voir venir, moi. Voyez-moi venir dans la posture qu'il vous plaira, que m'importe que vos bras soient croisés ou ne le soient pas. Vous parlez sans billes, j'enrage. Maudit esprit lunatique, que je te donnerai de grand cœur un bon coup de poing si tu ne portais pas une cornette. Je vous entends. Vous m'aimez. J'en suis fâchée, mon ami. Le ciel vous assiste. Mardi, oui, je t'aime. Mais laisse-moi faire. Tiens, mon chien d'amour s'en ira. Je m'étranglerai plutôt. Je m'en vais être ivrogne. Je jouerai à la boule toute la journée. Je prierai mon maître de m'apprendre le piquet. Je jouerai avec lui ou avec moi. Je dormirai plutôt que de rester sans rien faire. Tu verras, va. Je courtirai bouteille pour commencer. Tu mériterais que je te fasse expirer par pur chagrin. Mais je suis généreuse. Tu as méprisé toutes les suivantes de France en ma personne. Je les représente. Il faut une réparation à cette insulte. À mon égard, je t'en quitterai volontiers. Mais je ne puis trahir les intérêts et l'honneur d'un corps aussi respectable pour toi. Fais-lui donc satisfaction. Demande-lui à genoux pardon de toutes tes impertinences. Et ta grâce t'est accordée. M'aimeras-tu après cette autre impertinence-là? Humilie-toi et tu seras instruit. Oh, pardi, je le veux bien. Je demande pardon à ce drôle de corps pour qui tu parles. En diras-tu du bien? Ah, c'est une autre affaire. Il est défendu de mentir. Point de grâce. Accommodons-nous. Je n'en dirai ni bien ni mal. Est-ce fait? Oui. La réparation est un peu cavalière. Mais le corps n'est pas formaliste. Baise-moi la main en signe de paix. Et lève-toi. Tu me parais vraiment repentant, cela me fait plaisir. Tu m'aimeras au moins? Je l'espère. Oh, je me sens plus léger qu'une plume. Écoute, nous avons intérêt de hâter l'amour de nos maîtres. Il faut qu'ils se marient ensemble. Oui, afin que je t'épouse par-dessus le marché. Tu l'as dit. N'oublions rien pour les conduire à s'avouer qu'ils s'aiment. Quand tu rendras la boîte à la comtesse, ne manque pas de lui dire pourquoi ton maître en garde le portrait. Je la vois qui rêve. Retire-toi et reviens dans un moment. De peur qu'en nous voyant ensemble, elle ne nous soupçonne d'être d'intelligence. J'ai dessein de la faire parler. Je veux qu'elle sache qu'elle aime. Son amour en ira mieux quand elle se l'avouera. Ah, vous voilà, Colombine. A-t-on trouvé mon portrait? Je n'en sais rien, madame. Je le fais chercher. Il vient de rencontrer Harlequin. Ne vous a-t-il point parlé? N'a-t-il rien à me dire de la part de son maître? Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Non, madame. Vous êtes donc aveugle. Avez-vous dit au cocher de mettre les chevaux au carrosse? Moi? Non, vraiment. Et pourquoi, s'il vous plaît? Faute de savoir deviner. Comment deviner? Faut-il tant de fois vous répéter les choses? Ce qui n'a jamais été dit n'a pas été répété, madame. Cela est clair. Demandez à tout le monde. Vous êtes une grande raisonneuse. Qui diantre savait que vous voulussiez partir pour aller quelque part? Mais je m'en vais avertir le cocher. Il n'est plus temps. Il ne faut qu'un instant. Non, je vous dis qu'il est trop tard. Peut-on vous demander où vous vouliez aller, madame? Chez ma sœur qui est à sa terre. J'avais dessein d'y passer quelques jours. Et la raison de ce dessein-là? Pour quitter les lieux. Qui s'avise de m'aimer, je pense. Oh, rassurez-vous, madame. Je crois maintenant qu'il n'en est rien. Il n'en est rien? Je vous trouve bien plaisante de me venir dire qu'il n'en est rien, vous de qui je sais la chose en partie. Cela est vrai, je l'avais cru. Mais je vois que je me suis trompée. En vérité, je vous admire dans vos récits. Monsieur Léliot vous aime, madame, j'en suis certaine. Votre billet l'a piqué, il l'a reçu en colère, il l'a lu de même, il a pâli, il a rougi. Dites-moi, sur un pareil rapport, qui est-ce qui ne croira pas qu'un homme est amoureux? Cependant, il n'en est rien. Il ne plaît plus à mademoiselle que cela soit. Elle s'est trompée. Moi, je compte là-dessus, je prends des mesures pour me retirer. Mesures perdues. Quelle si grande mesure avez-vous donc prise, madame? Si vos ballots sont faits, ce n'est encore qu'en idée. Et cela ne dérange rien. Au bout du compte, tant mieux s'il ne vous aime point. Oh, vous croyez que cela va comme votre tête, avec votre tant mieux. Il serait à souhaiter qu'il m'aimât pour justifier le reproche que je lui en ai fait. Je suis désolée d'avoir accusé un homme d'un amour qu'il n'a pas. Mais si vous vous êtes trompée, pourquoi Léliot m'a-t-il fait presque entendre qu'il m'aimait? Mais parlez donc, me prenez-vous pour une bête? Le ciel m'en préserve. Et que signifie le discours qu'il m'a tenu en me quittant? Madame, vous ne m'aimez point, j'en suis convaincue, et je vous avouerai que cette conviction m'est absolument nécessaire. N'est-ce pas tout comme s'il m'avait dit « Je serais en danger de vous aimer si je croyais que vous puissiez m'aimer vous-même. » Mais allez, allez, vous ne savez ce que vous dites. C'est de l'amour, ce sentiment-là. Oh, cela est plaisant. Je donnerai à ces paroles-là, moi, toute une autre interprétation tant je les trouve équivoques. Oh, je vous prie, gardez votre belle interprétation. Je n'en suis point curieuse. Je vois d'ici qu'elles ne vaut rien. Je la crois pourtant aussi naturelle que la vôtre, madame. Pour la rareté du fait, voyons donc. Vous savez que M. Léliot fuit les femmes. Cela posé, examinons ce qu'il vous dit. Vous ne m'aimez pas, madame, j'en suis convaincue, et je vous avouerai que cette conviction m'est absolument nécessaire. C'est-à-dire, pour rester où vous êtes, j'ai besoin d'être certain que vous ne m'aimez pas, sans quoi je décamperai. C'est une pensée désobligeante, entortillée dans un tour honnête. Cela me paraît assez net. Cette fille-là n'a jamais eu d'esprit que contre moi. Mais Colombine, l'air affectueux et tendre qui la joint à cela. Cet air-là, madame, peut ne signifier encore qu'un homme honteux de dire une impertinence qu'il adoucit le plus qu'il peut. Mais non, Colombine, cela ne se peut pas. Tu n'y étais pas. Tu ne lui as pas vu prononcer ces paroles-là. Je t'assure qu'il les a dites d'un ton de cœur attendri. Il vous aimait, peut-être. Et je lui avais dit que vous pourriez l'aimer. Mais vous vous êtes fâchée. Et j'ai détruit mon ouvrage. J'ai dit tantôt à Arlequin que vous ne songiez nullement à lui, que j'avais voulu flatter son maître pour me divertir, et qu'enfin, M. Léliot était l'homme du monde que vous aimeriez le moins. Et cela n'est pas vrai? De quoi vous mêlez-vous, Colombine? Tenez, madame, dussiez-vous me quereller? Vous aimez cet homme à qui vous ne voulez point de mal? Oui, vous l'aimez. Retirez-vous. Je vous demande pardon. Retirez-vous, vous dis-je. J'aurai soin demain de vous payer et de vous renvoyer à Paris. Madame, il n'y a que l'intention de punissable, et je fais serment que je n'ai eu nul dessein de vous fâcher. Je vous respecte et je vous aime, vous le savez. Colombine, je vous passe encore cette sottise-là, mais observez-vous bien dorénavant. Je vous l'avoue, une seule chose me chagrine. C'est de m'apercevoir que vous manquez de confiance en moi, qu'il veut savoir vos secrets que pour vous servir. De grâce, ma chère maîtresse, ne me donnez plus ce chagrin-là. Récompensez mon zèle pour vous. Ouvrez-moi votre cœur. Vous n'en serez point fâchée. Colombine. Madame. Après tout, aurais-tu raison? Est-ce que j'aimerais? Je crois que oui. Mais d'où vient vous faire un si grand monstre de cela? Eh bien, vous aimez. Voilà qui est bien rare. Non, non, je n'aime point encore. Vous avez l'équivalent de cela. Oh, à quoi je pourrais tomber dans ces malheureuses situations, si pleines de troubles, d'inquiétudes, de chagrin? Moi? Moi? Oh non, Colombine, non. Non, cela n'est pas fait encore. Je serais au désespoir. Quand je suis venue ici, triste, tu me demandais ce que j'avais. Ah, oh, Colombine, c'était un pressentiment du malheur qui devait m'arriver. Voici Arlequin qui vient à nous. Renfermez vos regrets. Madame, mon maître m'a dit que vous aviez une boîte de portraits. Je sais un homme qui l'a trouvée. De quelle couleur est-elle? Combien y a-t-il de diamants? Sont-ils gros ou petits? Montre, Nigo! Te défies-tu de madame? Tu fais là d'impertinentes questions. Mais c'est la coutume d'interroger le monde pour plus grande sûreté, je ne pense point à mal. Où est-elle, cette boîte? La voilà, madame. Un autre que vous ne la verrez pas. Mais vous êtes une femme de bien. C'est la même. Tiens, prends cela en revanche. Oh, vive les revanches, le ciel vous souhaite en aide. Le portrait n'y est pas? Chut! Il n'est pas perdu. C'est mon maître qui le garde. Il garde mon portrait? Qu'en veut-il faire? C'est pour vous mirer quand il ne vous voit plus. Il dit que ce portrait ressemble à une cousine qui est morte et qu'il aimait beaucoup. Il m'a défendu d'en rien dire et de vous faire accroire qu'il est perdu. Mais il faut bien vous donner de la marchandise pour votre argent. Motus, le pauvre homme en tient. Madame, la cousine dont il parle peut être morte, mais la cousine qu'il ne dit pas se porte bien et votre cousin n'est pas votre parent. Mais de quoi ris-tu? De ce drôle de cousin. Mon maître croit bonnement qu'il garde le portrait à cause de la cousine. Et il ne sait pas que c'est à cause de vous. Cela est risible, il fait des quiproquos d'apothicaire. Mais que sais-tu si c'est à cause de moi? Je vous dis que la cousine est un conte à dormir debout. Est-ce qu'on dit des injures à la copie d'une cousine qui est morte? Comment, des injures? Oui, je l'ai laissé là-bas qui se fâche contre le visage de madame. Il le querelle tant qu'il peut de ce qu'il aime. Il y a à mourir de le voir faire. Quelquefois, il met de bons gros soupirs au bout des mots qu'il dit. Oh! De ces soupirs-là, la cousine défunte n'en tâte que d'une dent. Colombine, il faut absolument qu'il me rende mon portrait. Cela a de conséquence pour moi. Je vais le lui demander. Je ne souffrirai pas mon portrait entre les mains d'un homme. Où se promène-t-il? De ce côté-là. Vous le trouverez sans doute à droite ou à gauche. Colombine, où est Madame la Comtesse? Je souhaiterais lui parler. Madame la Comtesse va, je pense, partir tout à l'heure pour Paris. Quoi? Sans me voir? Sans me l'avoir dit? C'est bien à vous à voir cela. N'avez-vous pas dessein de vivre en sauvage? De quoi vous plaignez-vous? De quoi je me plains? La question est singulière, Mademoiselle Colombine. Voilà donc le penchant que vous lui connaissiez pour moi? Partir sans me dire adieu? Et vous voulez que je sois un homme de bon sens et que je m'accommode de cela? Ah, ça, monsieur, c'est maintenant qu'il faut dire « va comme je te pousse ». Vive l'amour, mon cher maître. Faites chorus, car il n'y a pas de chemin, il faut passer par là ou par la fenêtre. Il me prend envie de m'enfermer chez moi et d'en sortir de 6 mois. De quoi t'avises-tu de siffler? Une chanson et je l'accompagne. Ne vous fâchez pas, j'ai de bonnes nouvelles à vous apprendre. Cette comtesse vous aime et la voilà qui vient vous donner le dernier coup à vous. Savoir ce qui m'amène. Madame, je m'en doute du moins et je consens à tout. Nos paysans sont raccommodés et je donne à Jacqueline autant que vous donnez à son amant. C'est de quoi j'allais prendre la liberté de vous informer. Je vous suis obligée de finir cela, monsieur, mais j'avais quelque autre chose à vous dire. Bagatelle pour vous, assez importante pour moi. Mais que serait-ce donc? C'est mon portrait qu'on m'a dit que vous avez. Je viens vous prier de me le rendre. Rien ne vous est plus inutile. Madame, il est vrai qu'Arlequin a trouvé une boîte de portraits que vous cherchiez. Je voulais faire mettre sur le champ. S'il vous a dit autre chose, c'est un étourdi. Et je voudrais bien lui demander où est le portrait dont il parle. Monsieur. Quoi? Il est dans votre poche. Oh, mais vous ne savez ce que vous dites. Mais si fait, monsieur, si fait. Vous vous souvenez bien que vous lui avez parlé tantôt. Je voulais lui mettre après dans la poche, du côté gauche. Quelle impertinence! Cherchez, monsieur. Peut-être avez-vous oublié que vous l'avez tenu. Oh, madame, vous pouvez m'en croire. Tenez, monsieur. Tâtez, madame, le voilà. Alors, cela est vrai, il me paraît que c'est lui. Voyez donc. Il a raison. Le voulez-vous, madame? Il le faut bien, monsieur. Comment donc cela s'est-il fait? Mais c'est que vous vouliez le garder. À cause, disiez-vous, qu'il ressemblait à une cousine qui est morte. Et moi, qui suis fin, je vous disais que c'était à cause qu'il ressemblait à madame. Et cela était vrai. On voit point d'apparence à cela. Non, en vérité, madame, je ne comprends pas ce coquin-là. Arlequin, tu me le paieras. Oh, madame la comtesse, voilà monsieur qui me menace derrière vous. Moi? Oui, parce que je dis la vérité. Madame, vous me feriez bien du plaisir de l'obliger à vous dire qu'il vous aime. Il n'aura pas plutôt avoué cela qu'il me pardonnera. Mais va, mon ami, tu n'as pas besoin de mon intercession. Madame, je vous assure que je ne lui veux aucun mal. Il faut qu'il ait l'esprit troublé. Retire-toi et ne nous romps point la tête de tes sauts discours. Je vous prie, madame, de n'être point fâchée de ce que j'avais votre portrait. J'étais dans l'ignorance. Ce n'est rien que cela, monsieur. Oh, c'est une aventure qui ne laisse pas d'avoir un air singulier. Effectivement. Il n'y a personne qui se persuade là-dessus que je vous aime. Je l'aurais cru moi-même si je ne vous connaissais pas. Quand vous le croyez encore, je ne vous estimerais guère moins clairvoyante. On n'est pas clairvoyante quand on se trompe et je me tromperais. Oh, ce n'est presque pas une erreur que cela. La chose est si naturelle à penser. Mais voudriez-vous que juste cette erreur-là... Moi, madame, vous êtes la maîtresse. Et vous le maître, monsieur. De quoi le suis-je? D'aimer ou de n'aimer pas. Je vous reconnais, l'alternative est bien de vous, madame. Et pas trop. Pas trop. Si j'osais interpréter ce mot-là... Et que trouvez-vous donc qu'il signifie? Ce qu'apparemment vous n'avez pas pensé. Mais voyons. Vous ne me le pardonneriez jamais. Je ne suis pas vindicative. Ah, je ne sais ce que je dois faire. Monsieur Léliot, expliquez-vous et ne vous attendez pas que je vous devine. Eh bien, madame, me voilà expliqué. Je suis à vos genoux. M'entendez-vous? Vous ne répondez rien. Ah, oh, vous avez raison, mes extravagances ont combattu trop longtemps contre vous et j'ai mérité votre haine. Levez-vous, monsieur. Non, madame, condamnez-moi ou faites-moi grâce. Ne me demandez rien à présent. Reprenez le portrait de votre parente et laissez-moi respirer. Enfin, voilà la fin. Je suis contente de vous, monsieur Léliot. Marguerite, ça boute la joie au cœur. Ne vous mettez en peine de rien, mes enfants, j'aurai soin de votre noce. Grand merci. Mais Morguet, puisque je sommes en joie, j'allons faire venir les ménétriers que j'avais retenus. Colombine, pour nous, allons-nous marier sans cérémonie? Avant le mariage, il en faut un peu. Après le mariage, je t'en dispense. Je ne crains point que Mathurine s'amuse à me manquer de foi, car dès que je vois dans sa mine que qu'indifférence envers moi, son lit, demandez-le pourquoi. Je laisse aller la pèlerine. Je ne dis mot, je me tiens quoi. Je bâtis folle avec Claudie. En voyant ça, la Mathurine prend du souci, rêve par soi. Et puis tout d'un coup, la mutine me dit, j'enrage contre toi. On a réalisé l'autre jour, marvelle de moi ton amour. Nous étions de grands fous d'être au champ pour l'amour de vous. Si de chaque femme volage l'amant allait planter des choux, par la ventre-bille je gage que nous serions condamnés tous à travailler au jardinage. Le club d'essai de la radiodiffusion française vous a présenté La surprise de l'amour, une comédie de Marivaux, dans une présentation radiophonique de Jean Ablis et Jacques Florent. La distribution était la suivante. La comtesse Yvonne Godot de la Comédie française, Lélio, Jean de Sailly, le baron Jean Marchat, Colombine, Hélène Bélanger de la Comédie française, Arlequin, Jacques-Henri Duval, Jacqueline, Jacqueline Dufrane, Pierre, René Clermont. Musique originale de Jean Rivier, orchestre sous la direction de François Yaroshi, artiste du chant Claudine Verneuil et André Basquin. Cette émission a été réalisée avec la collaboration technique de Raymond Vercher et Paul Jacobi, assistante de production Olga Lancement. La mise en scène radiophonique était de Maurice Cazeneuve. C'était une production de Paul-Louis Mignon.